tête, je chante. On est dans ma tête, on est dans ma tête, on est dans ma tête, je chante. On est dans ma tête, on est dans ma tête, on est dans ma tête, je chante. On est dans ma tête, on est dans ma tête, on est dans ma tête, je chante. J'arrive avec une putain d'ambition pour pouvoir tutoyer la monnaie. J'ai l'œil de l'ex de piste et les gros billets. Tous les jours à l'affût, allonge le fric découpé en petites coupures. Le sac de sport à l'arrière de la voiture. Je peux pas vivre sans, j'ai l'instinct animal. Je ferai couler du sang si le destin me met mal. Je dors mal, réveillé par la dalle. L'argent n'attend personne, à l'heure de bonheur je me lève tel un bonhomme. La réussite appartient à ceux autonomes. Le succès vient bien vers ceux qui charbonnent. L'argent n'a pas d'odeur, mais j'ai la flair. J'ai plus de cœur si tu me trahis dans les affaires. Si je suis à terre, j'ai plus rien à faire. Je veux sortir mes mains de la mer. Partir pour une ville à Oblet, quasi déjà ambition. Rêve de péter le million. Déjà petit, la dalle était à moi. J'ai pas attendu le rap pour 20 mois. On est dans ma tête, on est dans ma tête, on est dans ma tête, je chante. On est dans ma tête, on est dans ma tête, on est dans ma tête, je chante. On est dans ma tête, on est dans ma tête, on est dans ma tête, je chante. On est dans ma tête, on est dans ma tête, on est dans ma tête, je chante. Les bons comptes font les bons amis. Les grosses têtes font les vilains ennemis. La solidarité, une bonne famille. Stimulé par la famine, j'ai vite fait de chasser la monnaie. Je prends tout jusqu'à monnayer. En espèce et la modalité du cash, une formalité. Je vais tout péter. Appelle-moi le terroriste. La concurrence, je la terrorise. Solitaire et la devise. Les vrais hommes ont 5 personnes. De grosses putes tapines d'Amazon. Appelle-moi le hustler man. Impulsif dans le domaine. J'suis une rapace, j'veux tout et tout de suite. Tu me dois des thunes, j'ai mis ton nom dans la liste. J'dédicace à mon équipe. Enfant de la jungle, avant de partir. J'veux m'en mettre plein les poches, appris à survivre. J'connais plein de choses, quand ça rentre, ça sort. Quand j'me bats, j'm'en sors. Le courage d'un homme mène à la victoire. La gourmandise d'une femme amène autre droit. En dictateur aussi, impulsif. Veux tout rafler à la dynamite. Gazi ambition, gazi ambition, gazi ambition, gazi ambition.